de laisser mes études de côté mm-hmm. pour m'impliquer encore plus politiquement, parce que là, il y a des rumeurs qui circulent là, que, par rapport à l'UQTR qui va couper des programmes okay. carrément dès l'année prochaine. Entre autres, sage-femme, peut-être, là, des rumeurs là-dessus, hein? Là, parce qu'ils veulent rétablir leur... ils sont forcés par le gouvernement de couper un peu partout. Oh oui. Et donc, c'est des moyens qu'ils ont trouvés. En tout cas, j'ai bien hâte de voir la suite des choses. Il y a des filles de partout au Québec qui viennent ici pour ça. C'est le seul programme... qui amène autant de monde. C'est le seul programme francophone. Au Québec, le seul programme sage-femme, oui. Puis même au Canada, il n'y en a pas beaucoup. Oui, oui, oui. Fait que c'est des belles façons hein, de faire. En tout cas, je trouve ça ridicule. Pourquoi penser, hein, Jeff? Pourquoi penser? C'est bien mieux faire n'importe quoi. Ouais. Sérieux. Mais là, il va falloir passer à l'action. Là, parce que penser, ça suffit pas. Ouais, puis parler non plus, semble-t-il, ça suffit pas. Et prenons par exemple les Catalans. Oui. Parce que oui. Il y a eu un référendum le dimanche 9 dernier et qu'on a eu l'occasion de revenir sur ça. En fait, je vais te faire un petit retour sur la démarche indépendantiste des Catalans. Parce qu'eux autres, dans le fond, ils ont comme quatre options indépendantistes. Oui. C'est-à-dire soit que la Catalogne soit indépendante, beaucoup plus autonome, aussi autonome qu'aujourd'hui. OK. C'est un statu quo. Ou moins autonome. Mais, on va voter pour ça. Mais ce chiffre-là a descendu à 1,8 %, fait que on n'ira pas là. Ouais, c'est ça. Ça a quand même répondu beaucoup. Hein, tout là-bas. À fait, tout à fait. Et cette démarche-là a été instaurée dès 2005. Le Parlement catalan a voté un statut d'autonomie qui a été renforcé, mentionnant que la Catalogne est une nation. Donc déjà 2005. Mm-hmm. Nous, au Québec, le Canada nous a reconnus en 2006, finalement. Là, une nation dans un Canada uni. Fait que mm-hmm. si le Canada est désuni, c'est quoi, on n'est plus une nation? Là, ou... Non. Ils vont faire une réserve. Ouais. Ils vont nous mettre dedans. C'est déjà fait, peut-être. Ben, c'est pas mal, ça ressemble à ça. Donc, 2005, la Catalogne pas s'autodétermine, là, mais se proclame une nation. Mm-hmm. 2006, le nouveau statut, qui est modifié ensuite par le Congrès espagnol, est approuvé finalement par 74% des électeurs catalans. Et à ce moment-là, l'indépendance est à peine à 15%. OK. 2010, saisi par le PP, qui est la droite espagnole, le tribunal constitutionnel censure la mention de « nation ». Et finalement, il y a 1,1 million de personnes qui vont aller manifester à Barcelone en conséquence. Et ça fait grimper le « oui » au moins jusqu'à 25 %. Mm-hmm. Donc, c'est une nation, plus on n'était plus une. Selon Barcelone, ben non, selon l'Espagne. Ouais. 2012, malgré une manifestation indépendantiste monstre à Barcelone, 1 à 1,5 million de participants, le PP encore refuse l'autonomie fiscale demandée par les députés catalans. Le « oui » monte à 40 % en conséquence. 2013, le Parlement catalan vote une déclaration de souveraineté. Il y a une chaîne humaine avec 1,6 million d'indépendantistes qui fait 400 km de long. Wow! C'est quelque chose, ça? Oui, tout à fait. Et on annonce un référendum d'indépendance. Parce que dès 2012, le chef catalan, Artur Mas, a promis de faire un référendum. Tu sais, imagine une chaîne humaine de Québec à Montréal, c'est à 138, là. Oui. Ça pourrait commencer à faire parler. Tout à fait. Ce serait magnifique. On entendrait parler nous autres. Ouais, vraiment, sérieusement, c'est quelque chose. D'ailleurs, je souligne, faire écho à ça, le candidat à la chefferie, Alexandre Cloutier, oui. qui veut ramasser un registre de 1 million de signatures pour enclencher un processus référendaire. Je trouve ça très intéressant. Génial. Ça implique les citoyens c'est ça, exactement. Dans la volonté politique. Parce que les gens se sentent tellement... impuissants, nous les premiers, même si tu t'impliques au bout, puis moi j'essaie de passer le message de ma façon, ça prend ça, là, ça prend mm-hmm. l'implication, en tout cas. Et donc, finalement, 2014, le référendum catalan est suspendu par le tribunal constitutionnel mm-hmm. parce qu'ils disent que c'est contre la Constitution, que les 17 régions espagnoles doivent aussi donner leur opinion sur le démantèlement ou sur l'indépendance d'une partie, d'une région. Et une consultation alternative sur l'indépendance est donc également interdite, mais maintenue par le gouvernement catalan. Et c'est ce qui a eu lieu mm-hmm. le 9 novembre dernier. Ce scrutin n'a pas d'effet immédiat. Mais la plupart pensent qu'à la longue, son importance sera historique. Parce que pour l'instant, c'est symbolique beaucoup. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, c'est que les gens se sentent interpellés. Là. Mais tu en as sûrement entendu parler. Dans le fond, le chiffre provisoire qui est sorti, c'est que 1,6 million de oui a été donnée une Catalogne indépendante qui correspond à peu près aux 1,7 million de voix totalisées par les partis indépendantistes aux dernières élections régionales de 2012. Et cette fois-ci, le vote avait été ouvert aux jeunes de 16 à 18 ans et aux étrangers. Et ça aussi, là, pour les jeunes sont de plus en plus impliqués. Oui. Ça serait peut-être bien aussi qu'on modernise un petit peu notre système démocratique puis qu'on les incite. Là, parce que si à 16 ans, ils peuvent avoir une voiture puis risquer de tuer quelqu'un, je pense qu'ils peuvent voter. Là. Je pense que oui, tout à fait. Ça, ouais, faudra, et puis j'étais content d'entendre ça. L'autre fois, mon garçon qui a 16 ans, justement, il... Parce que j'étais un peu découragé, puis je disais que je trouvais qu'il s'implique. Il disait non, on s'implique, on est plus intéressé que vous le pensez. Puis non, ça, c'est le fun d'entendre. Super. Et donc, quelques 80,7% des personnes ayant participé au vote symbolique sur l'indépendance se sont prononcées en faveur. Et même après un dépouillement de 88% là, qui indiquait que 1,6 million de personnes ont voté deux fois oui, parce qu'en fait, il y avait deux questions. Okay. La première, souhaitez-vous que la Catalogne soit un État? Mm-hmm. Et la 90% ont dit oui. Et si oui, souhaitez-vous qu'il soit indépendant? Mm-hmm. Et encore là, il y a seulement 10% qui ont dit non. Je pense que c'est à 80%. OK, Lucie, c'est près de 90% aussi. Oui, ouais, okay. Ouais, c'est quand même assez fort. Et... Donc, selon ces résultats, 10,1% des participants ont tout de même voté non à la deuxième question, 1% ont voté blanc et seulement 5% ont voté non aux deux questions. Et même moins que 5%, en fait. C'est très peu. Et donc, au total, c'est, je pense, 2,2 millions de personnes qui se sont déplacées. Il y a des journalistes qui font l'erreur de dire que la Catalogne représente 7,5 millions d'habitants. Mm-hmm. Oui. Mais il y a juste 5 millions d'électeurs. Okay. Donc, sur 2,2, avec 2,2 millions, c'est quand même près de 50% de la population qui s'est déplacée. Mais le gouvernement espagnol ne l'entend pas de même. Okay. Il déclare même que c'est un échec retentissant pour le projet indépendantiste. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans cette consultation-là. Où est l'échec, là? Ouais, mais, c'est ça. Ouais, il dit « le profond échec du projet des indépendantistes ». Non, là. Vraiment pas. Non. Puis même que ça augure bien pour l'avenir. Puis tu sais, là-dedans, comme on dit, étant donné que l'Espagne avait comme dit que ça ne servait à rien, il y en a là-dedans qui n'ont même pas été à cause de ça. Tout à en fait. Plus, faut ça a découragé ça. Des personnes. Ça a découragé des personnes. Là. Je pense que c'est assez probant. Là, ceux qui se sont... qui ont pris la peine de donner leur voix, ben eux, ça parle beaucoup. Là. Mm-hmm, tout à fait. Et donc, finalement, c'est de la mauvaise foi du gouvernement fédéral. On n'a jamais vu ça, les gouvernements fédéraux, avec de la mauvaise foi. Finalement, M. Mas a annoncé qu'il prendrait plusieurs semaines pour affiner sa nouvelle stratégie, qui est toujours tendue vers un seul et même objectif, le droit à l'autodétermination. Mm-hmm. Il dit peut-être que nous n'aurons pas le choix et qu'il faudra des élections, finalement, qui devraient avoir lieu d'ici 2016 et au cours duquel les partis se positionneraient exclusivement pour ou contre l'indépendance. Donc, ça va juste clarifier l'enjeu. Mm-hmm. Et si la population donne le mandat d'organiser un référendum qui serait valide, qui ne serait mm-hmm. pas juste symbolique, ben, je pense que la démocratie parle là, tout à fait. Dans ce sens-là. Il y a eu quand même quelques débordements, même du côté de l'Espagne. À Barcelone, les groupuscules d'extrême droite ont brûlé un drapeau catalan au nom de l'Espagne des patriotes, arborant le symbole des phalanges du mouvement franquiste. Mais quand même, le référendum a été un succès total. Il y avait 7000 points de vote qui ont été installés. Et puis au-delà du sérieux, il y avait l'enthousiasme des votants aussi, qui étaient finalement tous acquis quand même à la cause indépendantiste. Et des dizaines d'entre eux se faisaient prendre en photo en glissant le bulletin tant entendu dans l'urne, parce que la plupart ont entendu ça toute leur vie, mm-hmm. de voter un jour sur l'indépendance de leur pays. Et les uns arborant la baratina, qui est une sorte de béret rouge typiquement catalan, et les autres affichant des messages plus modestes, plus modernes, okay. comme celui-ci adressé apparemment à l'Espagne. « Keep calm, pero fotem el camp », c'est-à-dire « reste calme, mais foutons le camp ». Ben, c'est correct, on n'est pas obligé de faire ça dans la violence. Non. Mais bon. Et c'est ce qui termine ma première partie de chronique, là, chronique internationale. Oui, parfait. Et sinon, parce que souvent je t'apporte des mauvaises nouvelles, oui. fait qu'on va y aller avec quelque Très chose souvent. De plus positif aujourd'hui. Okay. J'ai décidé de faire une chronique sur l'état des forces indépendantistes au Québec. Oui. Fait que là, je suis allé me promener sur le site du DGEQ pour savoir combien de partis on avait. Qui étaient plutôt indépendantistes. Oui. oui. Ça sera pas long. Pas de problème. Il manque une petite feuille. Mais c'est ça, en tout cas. OK, de Jeff bon. A tout ça. Donc, les partis politiques indépendantistes. Sur le DJQ, en fait, autorise 19 partis okay. présentement. Combien tu penses qu'il y en a qui sont indépendantistes sur les 19? Je sais pas, il doit y en avoir au moins la moitié, certain. Non. Ah non? Même pas le quart. Oh, OK, bon. Il y en a 5. Il y a le Parti québécois, oui. fondé en 68. Il y a Option nationale, qui a été fondée quelque part en octobre 2011. Puis ils ont changé de nom récemment. Option nationale? Option nationale, ils ont rajouté tiret pour l'indépendance du Québec. OK. Fait que le nouvel anagramme s'appelle On pique. Ah! Je sais pas si c'est voulu, mais je trouve ça très cocasse. Sinon, il y a Québec solidaire, qui a été autorisé en 2002, mais ouais. finalement, ça a été créé en 2006, en fait, parce que c'est la fusion de l'Union des forces progressistes et d'Option citoyenne. En tout cas, ils sont classés indépendantistes. Ouais. Mais, on les voit pas ça, beaucoup indépendantistes. Ça se parle peut-être entre eux autres, mais en tout cas, ça prend pas beaucoup la parole publiquement non. pour faire une indépendance. Vraiment pas. Le quatrième parti, c'est le parti indépendantiste. OK. Je sais pas si tu connaissais. Ben, j'ai déjà entendu le nom, mais pas plus que ça. Et fondé en octobre 2007. Et puis, dans le fond, leur anagramme, c'est PAYS. Ah. C'est cute, hein? Oui, vraiment. Mais on n'entend pas parler d'eux non, autres. Non, c'est sont ça. Pas très... Option nationale... Ils sont pas organisés assez, non, tout à fait. Etc. C'est un petit groupuscule. Et il y en a un cinquième, vraiment obscur, qui s'appelle Mon pays, le Québec. OK. Fondé en novembre 2012 par Claude Dupré de Sainte-Marceline-de-Kildare, près de Matawani, et c'est-à-dire au nord de Joliette. Ouais, je pense... J'ai dû chercher, c'était où? Infoman en avait parlé, ah, ça année, me semble. On est allé le voir, le gars. Okay. Il n'était pas beaucoup, me semble. Il n'était pas non. si organisé non plus. Fait que là, pour l'instant, c'est les 5 partis indépendantistes. Okay. Sinon, il y a d'autres partis qui sont intéressants, comme le Parti des 100 partis, mm-hmm. qui a été autorisé en juin 2012 et qui était connu avant octobre 2013 sous le nom de Coalition pour la Constituante. Le chef, c'est Franck Malenfant, puis Richard Gauthier, le porte-parole. Moi, je suis un des cofondateurs de cette coalition pour la Constituante oui. et qui veut tout simplement redonner le pouvoir de l'Assemblée nationale aux citoyens. Donc, on arrête l'opposition bipartisane. Oui, le niaisage de partis. Dans le fond, ouais. les 125 députés à l'Assemblée nationale devraient travailler ensemble pour faire avancer les projets puis le Québec. Là, tout à fait. Et donc, mais malheureusement, on n'en entend pas beaucoup parler. Ils n'ont pas encore de députés élus non plus. Il y a aussi le parti Unité nationale qui a été créé en 2002 sous le nom, et là, ça le dit tout de suite, Parti démocratie chrétienne du Québec, okay. qui a changé son nom en 2012. Mais je ne croirais pas que c'est un parti indépendantiste. Je ne pense pas que ça soit tellement populaire non plus non. En 2014. Sinon, les autres partis, rapidement, il y a le Bloc Pot, oui. fondé en 98. Puis eux, sont pas indépendantistes, le Bloc Pot? Non, mais... Ils se déclarent pas assez. Ouais, ouais. Mais peut-être qu'ils peuvent y penser, parce que là, finalement, le gouvernement Harper fait juste des mesures pour priver... De plus en plus violentes, en plus. Ouais, on réprime les fumeurs de cannabis. Pendant qu'aux États-Unis, on fait quasiment... On est en train de légaliser... En tout cas, il y en a 20 États. Il y en a deux rendu... autres qui viennent de s'ajouter, oh, ouais, c'est ça, mais il y a 20 États en ce moment, c'est décriminalisé. Sinon, usage médical, ouais. c'est hallucinant. Là, on n'aurait jamais pensé ça dans les années 90-2000. Dire oh, aux États-Unis, ça va être bien plus rapide, bien plus open qu'ici. Jamais ouais, on aurait pensé c'est ça. C'est le contraire et le Canada fait marche arrière. Total. Puis on envoie plein de publicités sans arrêt, là, comme ils sont en train de démoniser oui. le cannabis. Là. Oui. C'est hallucinant. Là, à la télé, on voit ça. Mais en fait, on précise bien dans ces annonces-là que c'est les adolescents qui sont à risque. Oui, exact. Et c'est surtout 1/10 qui est à risque. Mais là, OK. Et les personnes qui, entre 20 et 80 ans, ouais, eux autres, ça. On les punit aussi. Oui. C'est vraiment de l'enfantillage. C'est très grave. Un autre parti autorisé par le DGEQ, la Coalition Avenir Québec, oui. c'est-à-dire l'équipe François Legault, qui a été fondée en février 2012, en plein printemps érable. Mm-hmm. Et finalement, François Legault, qui est un ancien indépendantiste convaincu, même pressé, qui avait déjà fait le budget de l'an 1 pour un Québec au lendemain du oui. finalement, je sais pas, là, il est rendu dans un nationalisme d'ouverture où on sait pas trop ce qu'on s'en va entre l'autonomie de Mario Dumont. Puis, Je pense qu'il sait pas nécessairement lui non plus. Non. Il se cherche. Ouais, c'est ça, il se cherche puis il veut tirer de tous les bords. Là, puis les gens veulent pas. C'était-tu drôle quand la passe de journaliste, as-tu vu, quand les journalistes la semaine passée ont vu passer PKP, il existait plus. Ouais. Là. Il y avait plus rien, c'était comme OK, je me retrouve tout seul. C'était assez cocasse, ça aussi. Un autre parti non indépendantiste, donc Équipe Adrien Pouliot, qui est le Parti conservateur du Québec, okay. Fondé en mars 2009. Bon, on va les laisser là avec Adrien. Il y a l'Équipe Autonomiste, fondée en mars 2012. J'ai pas trouvé grandes informations sur ce parti-là, mais s'ils sont autonomistes, ils sont sûrement pas indépendantistes par conséquent. Il y a le Nouveau Parti démocratique du Québec, fondé en janvier 2014, donc c'est très récent. Okay. Donc c'est le NPD fédéral qui veut s'immiscer dans nos, dans notre bataille électorale provinciale en fondant son propre parti. Okay. C'est déjà dénoncé par Québec solidaire puis par d'autres. C'est ce que je m'en ai dit. Toi, tu penses quoi de ça? Ben c'est ridicule, là. Ils ont pas d'affaires ici, là. Déjà que QS, ils l'ont, là, le monopole de la gauche. Ouais, là-dessus, c'est ça, exact. Je vois pas pourquoi. On n'a pas besoin de plus. On fonderait un autre. C'est ridicule. Il y a le Parti des sans-partis. Il y a le Parti équitable, fondé en février 2012. Il y en a beaucoup en 2012 qui se sont fondés? Mais ça, je pense que c'est plus un parti pro-féministe. Là. Okay. C'est sûr, équitable dans ce sens-là. Là. C'est pas équitable provincial, fédéral, pantoute. Il y a le Parti libéral du Québec, ou Québec Liberal Party, parce qu'ils sont vraiment bilingues dans leur titre, okay. Qui a été officialisé en février 78, là, selon la nouvelle loi de René Lévesque. Ceux-là, on repassera. Là. On peut juste rappeler qu'en 90, il y a une commission interne du PLQ qui avait dit, qui avait affirmé, que je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, je pense la commission Allaire, qui avait suggéré que le Parti libéral devait prendre position en faveur de l'indépendance du Québec. Robert Bourassa avait finalement balayé le rapport à cette époque-là. Ensuite, il y a le Parti marxiste-léniniste du Québec, fondé le 5 mai 1989. Là, les communistes viennent de donner leur appui à PKP, ouais, fait que je sais plus trop ce qu'ils s'en vont. Mais en 80, ils avaient appelé à voter non. Okay. Les communistes du Québec. Mais comme là, ça, c'est le Parti communiste, dans le fond, du Québec, ça. Oui, Parti marxiste-léniniste. Mais eux autres, ils l'appellent comme ça, là, mais quand on a vu dans les pubs, quand ils disaient justement qu'il appuyait à PKP, ils l'appelaient le Parti communiste du Québec. Ben, il doit avoir un autre parti communiste, okay. Mais qui est peut-être pas reconnu par le DGEQ. OK, c'est ça, je voulais te poser la question à la fin, justement. Ils sont durs à suivre. OK. Il y a le Parti nul, fondé en avril 2009. Il y a quelques politiciens qu'on pourrait mettre dans ce parti-là. Oui, mais dans le fond, eux non, autres, c'est des anarchistes qui refusent les élections piège à con, donc qui invitent à voter, mais à annuler le vote, tout simplement. Mais j'ai pas de résultats sur les dernières élections. Je pense pas qu'ils ont... Non. Ils ont pas de candidats non plus en tant que tel. On n'a pas vu souvent non, de publicité. Oui, mais ils seront jamais élus. Exact. Sinon, il y a le Parti Unité Nationale que j'ai dit tantôt. Il y a le Parti Vert du Québec, fondé en novembre 2001, qui n'ont pas de position non plus sur l'indépendance du Québec. C'est sûr que pour eux, l'écologie, c'est une sphère planétaire. Là. C'est un problème global, donc ils sont pas... Mais à voir ce que le gouvernement fédéral ferait, peut-être que le Parti Vert du Québec, non le Parti Vert du Canada, devrait peut-être prendre position en faveur de l'indépendance, donc ça sera à suivre. Qui pourrait un peu plus contrôler ce qui se passe puis les politiques environnementales si on était un pays, ça c'est sûr. Il y a Québec, Révolution démocratique, fondée le 7 mars 2011. Assez inconnu. Assez inconnu, oui. Et assez absent de la toile du web. Mais on ne sait pas plus s'ils sont indépendantistes. En tout cas, c'est sûr qu'ils sont pour une réforme de la démocratie. Ce qui serait une bonne chose. Oui. C'est officiel, oui, vraiment. Et finalement, le dernier parti, c'est Union citoyenne du Québec, Québec Citizens Union, fondée le 13 juillet 2012. C'est louche encore, vraiment. Quand un nom bilingue, là, je m'excuse, mais tu sais, c'est la seule langue officielle du Québec, c'est le français, puis je pense pas qu'eux autres aussi non plus soient indépendantistes. Ouais. Et là, il y a quatre autres partis qui ont réservé des noms. Il y a Alternative citoyenne du Québec, dont le nom du demandeur est Xavier Ducharme Moussaoui. Il y a Citoyenna. OK, on dirait une marque de Cotex. Nation Citoyenna, mais ça, c'est pas un beau nom de parti, on y croit pas. Nation Québec. OK. d'Éric Alvarez. C'est correct, bon, on va réunir tout le monde. Ouais, c'est ça, Nation Québec. Est-ce qu'on peut viser l'indépendance? On veut plus de détails. Et finalement, le quatrième nom qui est réservé, c'est l'Union nationaliste pour l'intégrité au et du Québec, de Jean-Louis Pérez. Okay. Fait que, une union nationaliste pour l'intégrité. C'est... Ah, l'objectif est noble. Oui, c'est ça, exact. On peut pas être contre l'intégrité. Là. Donc, on verra si finalement ces partis vont voir le jour. Mm-hmm. Puis, il y en a un autre aussi qui est en demande d'autorisation en cours. Et c'est un parti créé par Michel Brûlé, qui avait été candidat à Montréal, là, assez controversé dans la mairie récemment. Oui. Et lui, c'est le Parti Amérique française. Mm-hmm. Donc, lui, on voit plus large. On revient à l'idée du Canada français... Lui, il est indépendantiste, c'est sûr, mais... Peut-être un peu trop. Non, mais dans le sens que... en tout cas, c'est tant mieux. C'est comme tu dis tantôt, c'est louable, là, c'est bien. On peut pas être contre, mais bon, on verra ce que ça mènera. Et puis moi, je trouve qu'il y a beaucoup de partis, à un moment donné, c'est que... sont peut-être s'associer ensemble aussi. Là, ça donne rien d'avoir 50 000 partis. Exactement, c'est ce que je me disais. c'est qu'on s'en va. Ça fait juste séparer. Même avec, comme tu dis, aux dernières élections, c'était déjà séparé. On avait beaucoup de choix. Puis on se retrouve avec des gens qu'on n'a pas mis en tête, que la majorité des gens n'ont pas mis à la tête, mais pourtant, c'est eux qui dirigent autant au provincial qu'au fédéral. C'est ça qu'il faut refaire. Avant de fonder des partis, il faudrait vraiment refaire... Réformer le scrutin. Oui, réformer le scrutin. Si ce débat-là vous intéresse, je vous invite à visiter le site de Mouvement Démocratie Nouvelle, okay, qui est vraiment une coalition de tous les organismes qui revendiquent la réforme du scrutin. Et c'est dirigé par M. Dufresne. Et puis, c'est vraiment fascinant. Parce qu'en fait, partout dans le monde, la majorité, c'est des scrutins proportionnels ou proportionnels mixtes. Mm-hmm. Et le site Internet est très, très interactif. Bien fait. Très instructif, oui. Excellent. Peut-être éventuellement, je vais le faire venir à l'UQTR aussi pour nous parler de ça. Et il y a eu d'autres partis indépendantistes dans l'histoire du Québec. Je te rappelle qu'il y a eu le Parti républicain du Québec, qui a été fondé par Marcel Chaput en 1962 et qui a duré juste 2 ans. Dans le fond, ça a sûrement été absorbé par le RIEN par la suite. Mm-hmm. Le Parti République du Québec, qui a existé de 2007 à 2009, qui était présidé par Gilbert Paquette, qui était déjà ministre sous René Lévesque. Donc, c'est un parti souverainiste, conservateur et écologiste. Mais il n'existe plus. Il s'est sûrement fondé là, dans d'autres forces comme option nationale. Et il y a aussi Rassemblement pour un pays souverain, le RPS, qui n'est pas nécessairement un parti politique, mais qui est un regroupement, donc présidé par Benoît Roy, Laurent Desbois et vice-président. Et le secrétaire est Réal Mathieu, qui, je crois, est un ancien Felkis. Okay. Mais là, coup de théâtre la semaine dernière, dans le Rassemblement pour un pays souverain, il y en a 3 qui ont été... qui ont dû démissionner de l'exécutif parce qu'eux autres, ils dénonçaient l'islam radical. OK. Puis le président a dit que non, c'est pas la job du Rassemblement pour un pays souverain. Le DGE, ça? Non, juste le président du parti. OK, le président du parti. Du regroupement, okay, oui. A dit que c'est pas la place de parler de l'intégrisme religieux et donc a montré la porte à trois grands militants indépendantistes. OK. C'est malheureux. Vraiment. La chicane est pognée partout. Ça va pas bien. Pour vrai, il faudrait se regrouper au lieu de fonder chacun son parti. Parce que là, il va y avoir plus de partis que d'électeurs. Sinon, le Conseil pour la souveraineté a récemment changé de nom. On en avait discuté, là, qui sont devenus les Organisations unies pour le Québec indépendant. Oui. Ça fait le Oui Québec, dans le fond. Et puis, eux autres, ils regroupent là, vraiment plusieurs regroupements comme le SPQ Libre, qui avait été jeté dehors par le PQ, le MNQ, le Mouvement national des Québécois, les sociétés Saint-Jean-Baptiste, il y en a au moins, je pense qu'il y en a 18 au Québec, mais il y en a 2-3 qui sont fédéralistes. Ah oui? Comme celle de Sherbrooke, c'est un scandale total. Pour vrai? Oui. OK. On essaie de les noyauter. Sociétés Saint-Jean-Baptiste, qui ont été récupérées. Ouais. C'est parce que dans les années 60, il y avait une fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste. Okay. Et puis, quand il y a eu les états généraux sur le français, sur les états généraux du Canada français en 67, les francophones et surtout les Québécois ont décidé que c'est l'État national du Québec qui allait devenir l'objectif parce que là, on ne pouvait plus demander l'indépendance pour le Canada français, mm-hmm. parce que c'était éparpillé aux États-Unis, puis dans le reste des maritimes, puis un peu partout. Et donc, il y a eu une fraction, une rupture, vraiment, à partir des années 60. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on s'est appelé des Québécois, et qu'on n'était plus des Canadiens français, comme nos grands-parents nous appellent encore. Mm-hmm. Et à ça s'ajoutent les IPSO, les intellectuels pour la souveraineté, le RRQ, le réseau de résistance du Québécois. Il y a aussi le Libre Marcheur qui organise des manifestations indépendantistes le 24 juin. Il y a l'Action nationale que tu dois connaître, qui est la plus vieille revue indépendantiste au Québec, là, qui date des années 20 et qui est toujours active avec Robert Laplante à sa tête, qui est un intellectuel vraiment fascinant, qui peut faire des conférences sur le monorail ou sur d'autres, des projets ambitieux et collectifs qu'on devrait avoir. C'est super intéressant. Et donc, finalement, le mouvement indépendantiste devient de plus en plus citoyen. Les partis politiques n'ont plus le monopole et on l'a vu en campagne électorale que ça a dérapé totalement, que ça a divisé les forces indépendantistes en trois groupes distincts, les QS, les Options nationales et la péquisterie. La péquisterie, oui. Mais il faut garder espoir. On essaye. Parce qu'on en parle de plus en plus. Mm-hmm. Parce que le oui a monté au Québec pendant la campagne référendaire écossaise, a monté de 35 à 42 % que même là, le monde de la CAQ sont en train de... Ils voteraient Pécopé s'il serait à la tête. Fait qu'il y a vraiment, vraiment un revirement de situation qui est à suivre. Que je veux plus jamais entendre dire un journaliste que ça... C'est mort. Que c'est une idée d'une autre époque, là, ou que ça appartenait à une seule génération. Et non, le mouvement est de plus en plus vivant. Et c'est pour ça que je vous ai apporté une pièce de Loco Locas sur leur dernier album pour stimuler en vous la fibre nationaliste et ce réveil qui s'en vient de plus en plus effectif, parce qu'il y a déjà un collectif qui s'appelle Printemps 2015 qui est en train de se mettre en branle. Donc, soyez des nôtres bientôt dans la rue. Oui, excellent. Oui, vas-y. Vas-y. Ben, à suivre d'ailleurs le samedi 29 novembre pour la double manifestation nationale qui s'intitule « Refusons l'austérité ». Parce que pour l'instant, on assiste, pantois, au démantèlement de l'État québécois. Et l'indépendance, ça commence déjà là, c'est de contrer les coupes dans nos services sociaux. Ils n'ont pas compris, les libéraux, que s'ils voulaient être populaires et intelligents, ils feraient l'indépendance. Tout eux-mêmes. À fait. S'ils veulent assurer leur place dans l'histoire, ça ferait longtemps. Même Jean Charest a dit que le Québec avait les moyens de faire l'indépendance. Exact. Fait que tu sais... En tout cas, c'est ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Jeff Veilleux. Un plaisir. On peut te lire dans le Zone Campus et puis on peut te réentendre dans les meilleurs moments de C'est fou, ainsi que lundi prochain vers midi dans le Dîner de cons. Merci beaucoup. Bonne semaine. Yes, on s'en va écouter Loco Locas. Ici le jeu se démultiplie au nous. Je ne nous vois plus à genoux, mais debout, caribou. Déballons les ballons, arpentant la plaine. Nos sabots s'imprimant dans le lichen. Dorénavant, droit dressé dans de dragons, assurant l'horizon. Nos panaches s'entrechoquent en une mâle émulation. Et bravant les hurlements de la meute, nos bramements nomment le monde. Nous sommes issus d'un sol immense qui nous a tissé métissés. Rebut de brins de laine tressés, très serrés, sans couture au sein d'une ceinture fléchée. Comme quelques queues clinquantes de comètes effilochées. Et si l'on suit le fil de notre textile, mène à la sortie du labyrinthe de pas qui nous éreinte depuis qu'ils ont mis nos torts dedans. Ils ont conquis nos territoires, pillé notre histoire et volé notre mémoire. Avec leur thèse de fou, ils nous ont dit: taisez-vous, vous êtes comme baisés sans sa ficelle. Perdu, déboussolé, vous n'êtes pas vous, vous êtes nous. Vous êtes dissous, vous ne valez pas dissous. Notre substrat vous subsume et la comparaison vous consume. Faux, nous venons d'avant, nous sommes antérieurs. Nous sommes des créateurs, pas des créatures, pas des caricatures. Notre maison n'a pas de cloison, mais quatre saisons, acclimatées au climat et faisant fi du primat, nous avons parcouru par ces artères tout un continent titan. Notre espèce s'aspire à l'espace et son empreinte est partout. Tapis dans la toponymie, gravé dans le granit, arc-bouté dans les arches de nos dingues, ticketing de la muraille de Chine, dans les champs essouchés sous la lune et les racines d'un être qui ne peut plus plier. C'est une histoire riche qui n'est sur aucune affiche et qu'on a laissé en friche dans nos caboches. Ce n'est que rocher par doche, cosmogonie à l'agonie, dans le tombe fantôme d'une mémoire moisie.

Tu n'es pas la femme que je veux épouser. Tu n'es pas du tout comme j'avais imaginé. Je suis désolé, mais je demande le divorce. » Moi, j'aurais aimé voir la face de la fille, mais non, on ne l'a jamais vue. Il ne s'était jamais vu auparavant. Le jeune homme semble avoir été déçu parce qu'il a découvert sous le voile. L'épouse a immédiatement fondu en larmes devant les familles et les amis réunis pour l'occasion. Cet homme est insensible. Personne ne l'a forcé à se marier. Il aurait dû insister pour voir le visage de sa femme avant la cérémonie. Elle mérite mieux que lui. C'est un gros loser. Mais qui dit ça? Je ne sais pas. C'est peut-être le journaliste, mais bon, c'est comme ça. Il faut toujours regarder la marchandise sous toutes ses coutures. Hein? Faut essayer une voiture avant de l'acheter. C'est un peu ça qu'on pourrait dire. En France, une dame ou une femme, réalise un striptease dans le métro parisien et se fait stopper par un agent de la RATP. Ah, je pensais que c'était la SNCF, pardon. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut dans le métro. Ben, c'est tant mieux peut-être. À Paris, Amy Rousseau, une actrice porno, a tenté de réaliser un striptease dans une rame de métro pour le bonheur des passagers. Filmée par sa copine Angel Summers, la jeune femme a commencé à se déhancher puis à se déshabiller, mais s'est très vite fait interrompre par un agent de la RATP. C'est un usager qui a dénoncé la stripteaseuse au conducteur du métro. Hein? C'est un épais. Parce que tu sais, il a comme gâché le fun à tout le monde, là, parce qu'il y en avait pas mal qui s'étaient rassemblés devant la fille. Parce qu'au début de la vidéo, il y a un gars qui est là, qui est un peu mal à l'aise, mais après, pas du tout. Hein? Après, ça va bien. Ça fait rappeler un peu à l'histoire de cette... mais elle est tellement plus belle que l'autre, là. Pour vrai, ça vaut la peine. Donc, c'est dans une bibliothèque aux Pays-Bas. Une jolie blonde a voulu tester la concentration des étudiants qui étaient en pleine révision. Pour réaliser cette expérience, 8 caméras ont été disposées dans la bibliothèque. La jeune étudiante va commencer par chauffer un mec en face d'elle avant de monter sur la table et faire un striptease. Une séquence sexy qui cache en réalité une pub pour une marque de jus de fruits. Vous irez voir. C'est le bonheur pour les yeux, mais vraiment. On va rester dans le coquin. Pardon, on va rester dans le coquin, mais on va aller du côté animalier. Eh bien oui, c'est assez étrange. Des scientifiques ont filmé un rapport sexuel entre une otarie et un manchot. Donc, des scientifiques ont assisté à une scène pour le moins étrange. Comme l'explique le site 20 Minutes, la première affaire similaire remonte à 2006, mais les scientifiques ne s'attendaient pas à revoir ce genre de scène. En mission dans l'Antarctique, ils ont pu observer plusieurs otaries à fourrure en plein coït avec des manchots royaux. OK. OK. Habituellement, les otaries chassent et dévorent les manchots, mais depuis quelque temps, un nouveau comportement se répand. L'otarie chasse puis capture un manchot avec qui elle tente de copuler plusieurs fois. Sur 4 rapports sexuels répertoriés, 3 manchots ont été laissés libres par le mammifère, alors que le 4e, lui, a été tué et dévoré. Assez particulier, hein? Il pogne puis il te le swing. Même si les scientifiques avouent ne pas savoir précisément pourquoi les otaries agissent ainsi, ils avancent certaines hypothèses. Selon eux, il s'agirait d'un relâchement de frustration, sexuelle en pleine saison de reproduction. Donc, si ça marche pas avec les autres otaries, ben, je vais me planter un manchot. OK, comme tu veux, Madame Otarie. En tout cas, on trouve ça bien bizarre. Ici, glauque, hein, assez glauque, c'est M6 qui diffuse le suicide assisté d'un vieil homme. Dimanche soir, lors d'un épisode de Zone interdite consacré à la fin de vie, M6 a diffusé une séquence montrant un suicide assisté d'un vieil homme. Suite à un AVC, Jean-Claude ne supportait plus sa perte d'autonomie pour ne pas laisser une image d'un vieil homme en mauvaise santé à ses petits-enfants et enfants. L'homme a préféré se donner la mort. Pour ce faire, il s'est rendu en Suisse où l'euthanasie est légalement autorisée. Je suis revenu en Suisse donc pour finir ma vie gentiment, intelligemment et pour ne plus souffrir comme un idiot. Après avoir réaffirmé son souhait de mourir, l'homme a poussé la molette de sa perfusion, libérant le produit mortel. Nicole, sa fille, explique en quelques secondes, il s'est endormi. 3 ronflements plus tard, c'était fini avec le sourire et ce, sans souffrance. C'est beau, hein? Il faut penser à ça parce que c'est encore un domaine qui fait débat ici et qui est loin d'être réglé. Et puis, moi, je pense que tout le monde a droit de mourir dans la dignité et quand ça l'intéresse, hein, on est maître de notre vie. Pas pour faire un suicide, dire « Oh, moi, je suis tanné, je suis rendu trop lâche pour accepter ma réalité. » Ben, encore là, c'est de la liberté totale. Ce qui est triste, c'est qu'un suicide, ça fait du mal aux gens autour. La personne n'est plus là, en tout cas. On pourrait parler de ça longtemps, là, mais c'est assez glauque. On va se changer les idées, justement. Non, on va rester dans le glauque, mais en se changeant les idées, vous allez comprendre. Je vous invite à découvrir le calendrier Cercueil 2015. Ben oui, fini les petits chats ou les petits chiens en 2015. Adoptez le calendrier Cercueil pour la 5e année consécutive. Une société polonaise spécialisée dans la fabrication de cercueils vient de lancer son calendrier plus que sexy avec des plus que charmantes jeunes femmes pour promouvoir ses produits. C'est la marque Zbigniew Linder qui fait appel à plusieurs mannequins pour poser entièrement nus sur différentes gammes de cercueils. Et sérieux, ils savent choisir. Ils ont l'œil. Un cercueil n'est pas un objet sacré ou un symbole religieux. C'est un peu comme un meuble. Il est en fait le dernier lit dans lequel vous dormirez à tout jamais. Et allez voir ces jeunes femmes plus que magnifiques dans cet article, vraiment. Wow! Il y en a quelques-unes là que, OK, c'est bon, on s'enferme dans le cercueil. Et puis, tant qu'à être dans les calendriers, je vous invite à aller voir le calendrier de Pirelli, fabricant de pneus italiens, a présenté sa 42e édition de son légendaire calendrier aujourd'hui à Milan. Les photos sont l'œuvre de Steven Maisel. Et moi, je dois absolument porter attention particulière. L'étoile du match, c'est le mois de juin. La femme est magnifique, le petit look 1980. Et ce qui est magnifique, c'est que la femme ressemble comme deux gouttes d'eau à la Brigitte Bardot qu'on a trouvée belle dans les années 60. Vraiment une beauté qui fait très, très 60s. Je suis un peu omnibulé. Je n'ai plus de mots pour décrire ce que je vois. Et je m'en vais. Bye. Non, non. On s'en va en pause, puis pendant ce temps-là, je vais regarder la petite madame. De musique en marge. C'est fou. 89.1. Vous dans le château front, on a resté à Mélique. Le vendredi 28 novembre, le café-bar L'Embuscade accueille le collectif À la claire ensemble et DJ Kenlo Cracknuc pour une soirée post-rigodon et rap intemporel diablement inspiré. 10$ à la porte. Plusieurs prix de présence. Écoutez votre radio C'est fou pour avoir la chance de gagner des billets. À la claire ensemble et DJ Kenlo Cracknuc, ce vendredi 28 novembre, à L'Embuscade, 1571 rue Badeau, Trois-Rivières. Ça fait un certain temps que tu bûches sur tes études? Tu finis ton certificat, ton bac ou ta maîtrise en juin 2015, procure-toi ton guide de survie à la diplomation et participe aux activités organisées par le Bureau des diplômés de l'UQTR. 18 000$ en prix à gagner. En tout, 9 mois d'activité, une par mois durant toute l'année scolaire. Pour plus d'infos, uqtr.ca/diplôme/guide de survie. Troisième activité, ce mardi 18 novembre à 19h30 à la Chasse-Galerie. Quiz musical La Fureur. Viens encourager les participants ou même faire la démonstration de tes connaissances du monde de la chanson. Tirage de deux prix de 125$ parmi tous les finissants présents. Vite, mets la main sur ton guide de survie à la diplomation. Le Zénob, c'est un café-bar chaleureux. C'est la plus belle terrasse en ville avec un feu pour te réchauffer le cœur. C'est des spectacles toutes les semaines. C'est une institution à Trois-Rivières. Le Zénob, 171 rue Bonaventure. Consultez l'horaire des spectacles via la page Facebook du Zénob. Ce n'est pas assez pour moi, deux fois par semaine. J'ai besoin de plus. Je ne peux pas plus que deux fois. Je suis trop occupée. Si seulement on pouvait trouver une façon de le faire plus souvent. Mathieu, c'est la deuxième fois que je vous surprends à vous animer sans moi. Cette fois-ci, c'est la bonne. Stéphanie, je te le laisse. Bon, ben, voilà qui règne notre problème. Assemblage requis maintenant avec Mathieu Plante et Stéphanie Paradis, mais sans Jean-Philippe Charbonneau. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. Toute ressemblance à des personnages ou des situations réelles est purement fortuite. Jean-Philippe fait toujours partie de l'équipe et qu'on réanime les palmarès, c'est fou cette année. Fou de nouveautés. 89.1. Le dîner de con est une présentation de la microbrasserie Le Temps d'une pinte, 1465 rue Notre-Dame, Centre-Ville, Trois-Rivières. One moment, please. Midi 36, toujours dans le dîner de con, hein? C'est la traque de fin d'émission. On a encore un beau 20 minutes de bonheur ensemble. J'ai des nouvelles que j'ai décidé de vous parler finalement tantôt. L'imposture n'est ligand. J'ai le goût de vous en parler rapidement parce que je trouve que c'est quelque chose quand même assez spectaculaire comme nouvelle qui est sortie hier. Je vous l'envoie donc. Et si le jeune prodige de la poésie québécoise n'était pas le génie que l'on croit, une spécialiste aurait découvert le véritable auteur du Vaisseau d'or. Hein? Un des monuments de la littérature québécoise est aujourd'hui ébranlé. Émile Néligan n'aurait pas lui-même écrit tous les poèmes qu'on lui connaît. C'est la conclusion à laquelle parvient Yvette Francoli au terme de 15 années de recherche. Selon cette spécialiste de la littérature, Eugène Sears, alias Louis Dantin, un de ses douze pseudonymes, a profité de l'internement du poète pour débroussailler, classer, corriger, compléter et réécrire l'œuvre du jeune homme en y glissant des pièces de son cru. Dans son livre Le naufragé du vaisseau d'or et les vies secrètes de Louis Dantin, elle lève le voile sur le rôle du maître qui s'est approprié l'élève. Né en 1865, enfant brillant, Sears rafle tous les prix à l'école jusqu'à l'Université grégorienne de Rome où il obtient un doctorat à 23 ans. Mais sa vraie passion, c'est la poésie à laquelle il se livre en secret. Sa soutane ne l'empêche pas de séduire hommes et femmes, ce qui lui vaut d'être rejeté par son ordre religieux quand le scandale éclate. En 1903, Sears quitte le Québec pour s'installer dans le Massachusetts, où il aura deux enfants avec une Américaine. Il gagne son pain comme typographe à l'Université d'Harvard, où il meurt en exil en 1945. Retraité de l'enseignement, docteur en littérature de l'Université de Sherbrooke, Yvette Francoli, elle, n'est pas la première à remettre en question le génie de Émile Néligan. Mais sa démonstration méthodique porte plus que jamais et son livre a été couronné par les prix Victor Barbeau ainsi que les prix Alphonse Desjardins en 2014. L'actualité a joint Yvette Francoli chez elle à Lennoxville et je vous propose l'entrevue. Comment Néligan ne peut-il pas être l'auteur de son œuvre? Et là, de répondre, il n'en avait pas l'étoffe. Le jeune homme n'avait aucune culture littéraire. Les rares lettres de sa main parvenues jusqu'à nous sont truffées de fautes. Ses bulletins aussi en témoignent. Il était dernier de classe en français. De plus, il était très malade. Il y a des limites à ce qu'un adolescent réussisse à faire une œuvre aussi considérable que la sienne en seulement 2 ans. On l'a comparé à Arthur Rimbaud. Or, Rimbaud remportait des concours de composition déjà, des compositions latines à l'âge de 15 ans. Ce qui était loin d'être le cas de Néligan. Je ne dis pas que Néligan n'a rien écrit, mais qu'il n'a laissé que des ébauches. Quelqu'un est passé derrière lui et a tout réécrit, Eugène Sears. Ce n'était pas un secret pour personne. Néligan et Sears se voyaient souvent et travaillaient ensemble. En 1904, quand Sears fait publier les œuvres de Néligan, dont il signe la préface dithyrambique, il sait que le jeune homme ne sortira jamais de l'asile. Cette édition lancera la carrière du poète, même s'il est interné depuis 5 ans et qu'il n'écrira plus une seule ligne de toute sa vie. À quel, donc, là, on nous dit la question de l'actualité. Quelle a été la part du mentor dans les poèmes d'Émile Néligan? Impossible de le dire avec précision, car les archives manuscrites de Néligan sont disparues. Sa mère ne les a pas conservées. Cette lacune elle-même est suspecte. Car quand on a un génie dans la famille, on fait attention à ses textes. C'est vrai. Autre embûche, Eugène Sears tenait lui-même à occulter son influence. Il a sans cesse brouillé les pistes. C'était la seule façon pour lui de faire de la poésie. Tout ce que l'Église lui permettait de publier, c'était des essais sur des thèmes mystiques. Il en a d'ailleurs écrit quelques-uns regroupés dans un recueil « Franges d'hôtel défroqué ». Il s'est surtout fait connaître comme critique littéraire, le plus souvent sous le pseudonyme de Louis Dantin. Sears et Néligan ont-ils été amants? Eh bien, on n'en sait rien. Je pense qu'on peut parler d'une amitié particulière, mais ce n'est pas très important. Ils ont surtout partagé une œuvre. À mon avis, Sears s'est fait prendre au jeu. Il a d'abord changé un mot, ici et là. Puis, il en est revenu à réécrire un poème entier, puis un autre. Il a finalement occulté Néligan, un peu comme Cyrano de Bergerac, qui a fait un pacte avec Christian de Neuvillette. Eugène aurait pu dire à Émile, « J'irai dans l'ombre à ton côté, je serai ton esprit, tu seras ma beauté. » Hein, ça nous rappelle, bien sûr, Bergerac, Cyrano de Bergerac. Et autre question, quand vous est-il apparu évident que Sears était derrière Néligan? Là, elle dit, lorsque je travaillais à l'édition critique de l'œuvre de Sears, qui s'appelle Louis Dantin et ses critiques 1, PUM 2002, prix Jean Étier Blais. Quand on lit Dantin et Néligan, la similitude des poèmes saute aux yeux. Sears avait la multitude des ouvrages qui sont censés avoir inspiré Néligan. Il possédait une immense culture livresque de Confucius à Georges Bernard Shaw. Les thèmes chers à Néligan sont empruntés à son imaginaire. La mort, le cimetière, l'errance, les mazurkas de Chopin. Un exemple, le cœur du vaisseau d'or de Néligan et celui de la complainte du cœur noyé de Dantin sont tous les deux désertés et déchirés entre l'aspiration à s'élever, à toucher l'azur et à se perdre dans la mer. Le thème du naufrage est d'ailleurs omniprésent chez Sears, qui a dû subir l'opprobre de la famille en quittant les ordres et en menant une vie, disons, moralement discutable. Il sera un naufragé toute sa vie. C'est lui qui a sombré dans l'abîme du rêve. Et là, on nous dit, avez-vous l'impression de déboulonner un géant? Là, la réponse est magnifique. Elle dit, et si c'était pour en découvrir un autre? Louis Dantin est un personnage fascinant dont l'œuvre est magistrale. C'était un des plus grands intellectuels de son époque au Canada. Hein? On en apprend vraiment beaucoup sur cette histoire. C'est hallucinant. Je suis bien content de vous avoir fait part de cette nouvelle. Maintenant, on va aller ici parler technologie. Le nouveau logiciel de Google est capable de légender vos photos tout seul. Les ordinateurs peuvent faire beaucoup de choses à notre place, comme l'illustre la nouvelle invention de Google. Deux groupes de scientifiques de chez Google et de Stanford ont créé un logiciel capable non pas de reconnaître un objet sur vos photos, mais d'identifier l'ensemble de la scène et de générer une légende de l'image en anglais. Ce nouveau système de sous-titrage baptisé Neural Legend se base sur des techniques de vision par ordinateur et de traitement du langage naturel. Les deux groupes de scientifiques ont ainsi combiné des réseaux de neurones convolutionnels, oui, un modèle d'apprentissage qui a permis à de grandes avancées dans la précision de la vision par ordinateur. Les chercheurs de chez Google disent s'être inspirés des progrès de la traduction automatique. Un réseau de neurones récurrent, le RNN, transforme une phrase en français et en représentation vectorielle, et un second RNN utilise cette représentation pour générer une phrase cible en allemand. Génial! Au lieu du premier réseau linguistique, les chercheurs ont employé un réseau de neurones convolutionnel, c'est ça. Désolé, c'est un mot que j'ai pas souvent utilisé, convolutionnel, qui sert à classer les objets dans des images. L'un des réseaux encodait donc l'image en une représentation compacte, tandis que l'autre générait une phrase de description. Le système a été expérimenté avec plusieurs bases d'images en ligne. La qualité des légendes descriptives ainsi générées a été estimée satisfaisante par un algorithme qui évalue la qualité des traductions entre les langues. Cette intelligence artificielle permettrait avant tout d'améliorer la recherche de visuels en ligne, explique toujours le New York Times. Les avancées pourraient permettre de mieux cataloguer et de rechercher les milliards d'images et de vidéos disponibles en ligne dont la description et l'archivage sont souvent mauvais. Pour l'instant, le moteur de recherche comme Google se repose largement sur le langage écrit et qui accompagne une vidéo ou une image pour déterminer ce qu'elle contient. Selon GigaHum, elle représente l'intelligence artificielle qui vont vers de plus en plus de précision. Par exemple, lorsqu'un système de reconnaissance d'objets classiques pourrait être capable de reconnaître un chat ou un poisson rouge dans une image, ces nouveaux systèmes hybrides pourraient probablement déterminer que la scène présente un chat qui attrape un poisson dans un bocal associé à une base de connaissances qui comprend la relation prédateur-proie entre les deux animaux. Ce même système pourrait être capable de prédire que le poisson rouge va bientôt être mangé. Eh oui. Le New York Times souligne que cette technologie pourrait aussi, à long terme, permettre d'aider les aveugles et les malvoyants à comprendre le contenu d'une image. Les robots intégrés aux voitures pourraient, eux, prendre de meilleures décisions en fonction du contexte, mais elle peut aussi avoir des conséquences sur l'efficacité de la surveillance. Ces 15 dernières années, des caméras vidéo ont été placées dans un grand nombre d'espaces publics et privés. Dans le futur, le logiciel qui fait fonctionner les caméras ne sera plus capable d'identifier les gens précis via la reconnaissance faciale, disent les experts, mais aussi, sera en plus capable d'identifier les gens précis via la reconnaissance faciale, mais aussi d'identifier certains types de comportements, peut-être même d'alerter automatiquement les autorités selon certains comportements que les gens pourraient avoir devant les caméras et qui peut dire « Ah, ben il y a un attentat qui se prépare, il y a ci, il y a ça. » C'est assez particulier. Big Brother est rendu chez vous, ça c'est sûr. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. C'est notre moment préféré pour pouvoir déguster quelque chose de bon et vous, de pouvoir saliver à la maison sans pouvoir écouter. C'est Master Steph.

Et ensuite, Justine Renaud qui va être là pour sa chronique. Justine Pertine sur C'est fou. 89 FM. Qu'on vient d'entendre par Run to Clock. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con. Un certain midi cette semaine. Et on continue dans nos nouvelles. Vous allez voir, c'est hilarant la prochaine, pour vrai. Regardez bien, on va aller écouter ça. Et c'est probable que vous reconnaissiez la voix qui parle de couilles. Vous allez voir, c'est vraiment drôle. Ben, moi, je trouve ça drôle. On y va. Bienvenue dans le monde merveilleux des couilles. Énorme ou de taille modeste, touffu ou bien entretenu, les couilles peuvent être de style et de grosseur très variés. Pas d'inquiétude donc si les vôtres ne sont pas tout à fait identiques. Vos couilles sont fragiles et il est important de les examiner une fois par mois pour détecter le moindre problème. Devant un miroir, observez vos couilles pour voir si elles semblent enflées. Placez vos doigts sous votre couille avec votre pouce sur le dessus et exercez une légère pression. Faites doucement rouler votre couille entre votre pouce et vos doigts. Cette opération ne devrait pas être douloureuse. Palpez ainsi toute la surface de votre couille et recommencez l'examen pour votre deuxième couille. Et voilà, des couilles en pleine santé. Donc, c'est contre le cancer, ben, pour la promotion de la campagne qui ramasse des gens contre le cancer testiculaire. Et c'était avec notre ami Charles Tisser de Découverte qui parlait de couilles. Et là, je vous explique. À l'entendre comme ça, ben, on dirait réellement qu'il parle de couilles, tu sais, genre testicules. Mais non, dans la vidéo, tout le long de l'image, eh bien, on nous raconte, on nous montre un peu comment vit les couilles qui sont des genres de hamsters géants. C'est quoi, c'est en Amérique Bienvenue du Sud? Dans le monde merveilleux des couilles. Ouais, c'est ça, c'est cochon d'Inde des Andes géants. C'est pas un hamster, c'est un cochon d'Inde. Et ça s'appelle un couille ou une couille. Alors, c'était ça, c'était juste drôle, et puis vous venez de l'entendre. Ça aussi, vous pourrez dire, vous l'avez entendu au dîner de cons. Maintenant, on s'en va dans les éphémérides, pardon, du 18 novembre. C'est arrivé un 18 novembre. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, surnommée la petite fiancée de l'Atlantique, Florence Artaud remporte le 18 novembre 1990 la quatrième édition de la Route du Rhum en 1990. À la barre de son trimaran, elle relie Saint-Malo, en France, à Pointe-à-Pitre en 14 jours, 10 heures et 10 minutes. Elle devient la première femme à remporter une course transatlantique en solitaire. Donc, elle a fait genre dans le coin de la Jamaïque, Cuba, dans ce coin-là, le Pointe-à-Pitre, jusqu'à Saint-Malo en France, en vraiment pas long, là. Elle a fait ça en 14 jours, vraiment très rapide. Sinon, on rentre... c'est un peu... Qu'est-ce qui est arrivé d'aussi le 18 novembre? Eh bien, le 18 novembre 1978, 914 membres de la secte du Temple du Peuple procèdent à un suicide collectif à Johnstown, en Guyane. Tristes histoires, hein, ça, des genres de suicides collectifs pour rien. Poète français surréaliste et dadaïste, Paul Éluard, mort le 18 novembre 1952 à l'âge de 56 ans. On lui doit notamment le recueil de poésie « Capitale de la douleur ». Hein, on en apprend-tu des affaires ici? Sinon, toujours un 18 novembre, eh bien, c'est la souris Mickey Mouse, créée par Walt Disney World. Walt Disney, non, c'était le monsieur, hein, Walt Disney. Walt Disney, c'est la place. Donc, créée par Walt Disney, Mickey Mouse apparaît pour la première fois sur les écrans du Colony Theater de New York le 18 novembre 1928. Steamboat Willie est le premier film mettant en scène le personnage avec du son synchronisé. Ça, c'était la nouveauté. C'était du divertissement avec un gros dé. Le 18 novembre 1987, la station de métro King's Cross est victime d'un incendie. 31 victimes périssent dans la catastrophe. On se rappelle, c'était à Londres, hein, ça, si je me rappelle bien. Triste nouvelle encore. Oh, mon Dieu, hein, on a du Céline Dion ici. My Heart Will Go On, chanson-thème du blockbuster Titanic, sort le 18 novembre 1997. Elle est interprétée par Céline Dion. Le titre remporte l'Oscar de la meilleure chanson originale de film en 1998. Félicitations à toi, Céline. Une chance qu'on en a parlé ici. Hein? T'as besoin de visibilité pour que ta carrière finisse par fonctionner. Hein? Toujours un 18 novembre, coureur cycliste français Jacques Anquetil, surnommé le Maître Jacques, meurt le 18 novembre 1987. Il est le premier coureur cycliste à remporter à 5 reprises le Tour de France. Donc, c'était arrivé un 18 novembre. Dans le segment du pourquoi du comment, désolé. Eh bien, on y va avec pourquoi les chats ronronnent-ils? Oh, que c'est petit matou, hein? Eh bien, oui, selon les vétérinaires, ce bruit à basse fréquence est émis par le félin lorsqu'il éprouve de vives émotions, notamment le plaisir, le stress, la souffrance et la peur. Le ronron audible dans un rayon de 3 mètres est audible dans un rayon de 3 mètres autour de l'animal et serait dû à la contraction rapide des muscles du larynx et du diaphragme qui fait vibrer ses cordes vocales. D'autres spécialistes imputent cette vibration à deux membranes situées derrière les cordes vocales. Il est à noter que chez les félins, le guépard ronronne également, mais de manière beaucoup plus puissante que le chat, car il peut être entendu jusqu'à 40 mètres à la ronde, le ronron du guépard. Ouais, moi, je suis sûr qu'il y a d'autres félins qui ronronnent. Mais en tout cas, on va continuer avec nos informations qu'on a là. Pourquoi les saints ont-ils une auréole? Hein? L'auréole, ce cercle jaune ou doré entourant le visage ou situé au-dessus de la tête d'un personnage peint ou sculpté, eh bien, permet d'indiquer sa sainteté. Mais pourquoi l'auréole? À l'origine, ces symboles proviennent des dais. Les dais, c'était des mini-baldequins, des petits baldequins. C'est comme un lit à baldequins, c'est les tissus comme hein, au-dessus d'un lit. Donc, des mini-baldaquins de protection disposés sur la tête des statues représentant les saints. Ceux-ci protégeaient les œuvres des fientes d'oiseaux qui étaient très corrosives, hein, de la poussière ainsi que de la pluie. Cette technique a été largement utilisée dans les églises où les statues étaient nombreuses et souvent placées en hauteur. Leur accès et donc leur entretien étaient très difficiles et vu d'en bas, sur le bord de ce parapluie, ce parapluie était visible, ce qui a renforcé l'image visible. Qui a renforcé l'image divine, l'aura divine. Donc, il y avait comme de la lumière autour de la tête. Donc, ça en rappelle à des petites protections à baldaquins pour protéger des fientes d'oiseaux. Pourquoi sur les photos a-t-on les yeux rouges? Bien, pas tout le temps. C'est seulement si on utilise un flash hein, que ça fait ça. Sinon, ça fait jamais des yeux rouges. Souvenirs de vacances ou moments entre amis ou en famille, les photos, ils sont parfois gâchés par une impression de yeux rouges qui apparaît au tirage. C'est pas une impression. Les yeux sont réellement rouges. Mais c'est pas vos yeux. Mais sur la photo, c'est réellement ça. Ce phénomène, souvent constaté sur les clichés pris dans l'obscurité et donc à l'aide d'un flash, hein, c'est ce qu'on a dit, est en fait dû à la structure même de l'œil. Dans un milieu peu éclairé, l'iris, la partie colorée de l'œil, se dilate afin de recevoir un maximum de lumière. Hein? Tu vois la pupille, chut, a grossi. On comprend? De ce fait, c'est la rétine au fond du globe oculaire, riche en fins vaisseaux sanguins, qui reflète directement la lumière émise par le flash de l'appareil photo. Cette apparence de yeux rouges est donc le reflet du flash sur la rétine, qui est de couleur rouge, exacerbée par l'obscurité. Hein? On en apprend-tu des affaires? Pourquoi a-t-on des taches de rousseur? Là, ben moi, je veux savoir ça, mais j'en ai un peu là sur le bord ici. Puis mon gars, il y en a aussi un peu. Réparties sur le nez ou les épaules, les taches de rousseur, ça a l'air j'en ai aussi ces épaules. Ma blonde m'a dit ça. Apparaissent principalement sur la peau des individus à la peau claire, notamment les roux et les blonds. Pourtant, je suis pas roux, je suis pas blond. Ces petites taches ou éphélides, c'est-tu beau, hein, des éphélides? Et puis c'est beau, une fille avec des petites taches de rousseur, c'est génial. Donc, les éphélides sont le fruit d'une surproduction de mélanine. La substance responsable du bronzage qui assure aussi la protection de l'épiderme face au soleil. Cela s'explique par le fait que les peaux claires sont plus sensibles aux rayons ultraviolettes que les peaux hâlées et que par conséquent, elles concentrent leur production de mélanine sur les parties du corps les plus exposées. Le nombre et la pigmentation des taches de rousseur a d'ailleurs tendance à s'estomper légèrement quand l'hiver arrive, donc vers le froid. Génial, hein? On va se coucher moins niaiseux. Et on en a encore deux dans ce segment du pourquoi, du comment. Et après, on va aller en musique. Pourquoi le smoking porte-t-il ce nom? Donc, le smoking, hein, veston noir à revers de satin brillant dans sa coupe classique. Le smoking s'est imposé dans les soirées chics. Ce vêtement trouve son origine en 1860 en Angleterre, lorsque le futur roi Édouard VII, alors prince de Galles, a commandé au tailleur de Henry Poole & Co. une veste confortable pour s'asseoir au jeu de table, aux tables de jeu. Pardon. Cette tenue ne s'appelait pas encore smoking, mais elle commença à conquérir les hommes de la haute société qui les portaient lorsqu'ils se retrouvaient dans les fumoirs. Donc, « to smoke », signifiant « fumer », bien sûr, en anglais. Une habitude importée à New York en 1886 par James Potter, qui porta cette tenue dans son club, le Tuxedo Park Country, d'où l'appellation « smoking », venue d'Angleterre, et « tuxedo » pour les États-Unis. Donc, en Angleterre, on dit plutôt un « smoking », et aux États-Unis, on dit un « tuxedo » parce que c'était l'habitude dans son club, le Tuxedo Park Country. Vraiment génial. J'aime ça. Et finalement, dernier pourquoi du comment d'aujourd'hui, pourquoi le sucre est-il en petits morceaux? Hein? S'il est évident que le sucre est pratique à utiliser en morceaux dans une tasse afin de les doser, il n'en a pas toujours été ainsi. Hein? C'est en voyant sa femme se blesser en cassant des pains de sucre en 1843 que le Tchèque Jacob Christophe Rade a eu l'idée de trouver une technique pour fabriquer le sucre en petits cubes. Il scie alors une plaque de sucre après l'avoir solidifiée en bande. Cette technique va inspirer le Belge Théophile Adam en 1900, qui va inventer une machine pour fournir des morceaux symétriques et lancer une production industrielle. En 1949, l'entreprise française Louis Chambon va créer un système permettant de mouler directement le sucre en morceaux dans des presses, une technique qui est toujours utilisée aujourd'hui. Ici, assez particulier, une balle dans la tête. Une balle dans la tête, une image qui vaut mille mots, ça c'est sûr. Hein? Voici une preuve que les armes à air comprimé peuvent être dangereuses. Et quand on dit une balle dans la tête, ça ressemble à une palette. Tu sais, quand on dit un gun à palette, là, ça ressemble à être une palette qui est pas loin de sa tempe. Attends, allez voir ça, l'image est assez choc. La police du comté de Durham, dans le nord de l'Angleterre, a diffusé cette photo de la blessure impressionnante subie par Connor Minto, un jeune garçon de 11 ans. Qui le week-end dernier, dans la ville de Chester Street, a peut-être reçu une palette dans le front, c'est le cas de le dire, alors qu'il assistait remplaçant à un match de foot avec d'autres garçons de son âge. L'enfant a été atteint juste au-dessus de l'œil par une balle de fusil à air comprimé de calibre .22. Mais ça commence, c'est quasiment de 22 là, en air comprimé comme ça. C'est pas une arme à feu, c'est une arme à air, mais ça peut être tout aussi dangereux. Alors qu'il assistait donc à ce match, initialement, l'écolier pensait avoir été touché par un caillou, rapporte l'Express. Mais un de ses copains lui a alors dit qu'il avait une balle dans la tête. Il s'est alors dirigé vers son père et ensuite a été hospitalisé. Trois ados de 14 ans ont été arrêtés puis libérés sous caution avec en lien avec l'affaire. La police cherche encore des témoignages. Connor, le jeune, lui a reçu des points de suture et ne gardera pas de séquelles. Il est en revanche toujours aussi très choqué. La police a diffusé la photo de la blessure du jeune homme pour mettre en garde la population face au danger d'utilisation d'armes à air comprimé dans l'espace public. Pour quelques centimètres, Connor aurait en effet perdu l'usage d'un œil pour le restant de ses jours. Et l'avoir reçu directement sur la tempe aussi, je pense pas que ça aurait été très bon pour sa santé. Et sinon, on termine ici avec ce mannequin magnifique. Eh bien oui, c'est magnifique. Vous allez comprendre le petit projet. C'est génial. Elle se balade à moitié nue sans se faire remarquer. Un mannequin a déambulé dans les rues de New York en string sans attirer l'attention des passagers. C'est quoi son secret? Eh bien, vous allez comprendre, les peintres ont alors maquillé les jambes et les fesses du mannequin qui ont fait un très beau travail. Et c'est de magnifique à voir, donc. Elle s'est fait peindre un jeans sur la peau et tout le monde n'y a vu que du feu. Que ce soit dans la rue, dans le métro ou dans les magasins de vêtements, tout le monde a cru à l'illusion. Lorsque la jeune fille, à moitié nue, vient demander à une vendeuse où elle peut trouver le même jeans dans son magasin, le trompe-l'œil fonctionne encore. La vendeuse lui dit, elle tente de l'aider, puis elle dit, je pense qu'il y en a downstairs, il y en a en bas, dans le premier étage. On a ce genre de sexy pantalon. Imaginez comment c'est sexy un jeans qui est finalement, c'est des fesses. Il y a juste un string. Dans le fond, elle était habillée d'un string. C'est hallucinant. Cette dernière tente de l'aider sans remarquer qu'il s'agit d'une peinture. Une expérience orchestrée par Model Prankster TV qui s'est inspirée du buzz créé par des étudiants de Lille au mois de mai. Sérieusement, c'est à voir. C'est coquin, puis en même temps, c'est cocasse. Allez voir ça sur la page Facebook du Dîner de con. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.